Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. Quand on veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien. Denis Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard qui est de Chibougamau, qui a joué une ronde de 70 hier lors de la première journée du tournoi Canadian Pro Tour qui se déroulait à Rimouski. Bédard qui est en égalité en deuxième place avec six autres golfeurs lors de ce tournoi. À noter que le meilleur a joué 67 hier, donc il est à trois coups du meneur. Parlons maintenant d'Alexandre Gagnon. Alexandre Gagnon de Dolboom-Cessny qui a été retranché par les Stampeders de Calgary la semaine dernière, lors de la dernière journée du camp d'entraînement. Alexandre Gagnon était quand même était pas vraiment déçu. Il allait là avec aucune attente, explique le joueur natif de Dolboom-Cessny. Dans une situation gagnant-gagnant, si je faisais l'équipe, j'allais être super content. Puis si je revenais, j'allais être content également. Donc j'avais rien à perdre en allant là-bas. J'ai tout donné, j'étais allé à 100%. Je pense que oui, j'ai montré vraiment des très belles choses qui ont fait en sorte que les coachs ont voulu continuer à travailler avec moi. C'est pour ça qu'ils m'ont pas release, dans le fond. Ils m'ont placé sur la suspended list. Comme ça, je suis encore officiellement avec l'équipe. Donc une autre équipe ne peut pas me réclamer. Je voulais être sûr de toujours garder mes droits puis de me revoir l'année prochaine. Alexandre Gagnon mentionne qu'il a appris énormément lors de ce camp d'entraînement. J'avais déjà un baccalauréat en football, comme on dit, et là, je viens de faire un doctorat en football définitivement, surtout à Calgary, qui ont la meilleure défensive au Canada, la meilleure ligne défensive, le joueur avec le plus de sacs du corps l'année dernière aussi. J'avais les meilleurs mentors que je pouvais pas avoir, puis ils m'ont vraiment donné beaucoup de football dans le corps. J'ai vraiment hâte de m'asseoir ici avec mon coordonnateur défensif, de parler de tout ça avec lui, puis définitivement que ça va nous aider ici à Sherbrooke, parce que je veux beaucoup avoir de conseils à donner. Et Alexandre Gagnon mentionnait qu'il devra prendre du poids s'il veut faire l'équipe l'an prochain. C'est ça, la vitesse me faisait vraiment pas défaut sur une unité spéciale. J'étais aussi rapide, sinon plus que plusieurs joueurs. Puis j'étais vraiment capable de compétitionner. Mais sur la ligne défensive à 230, définitivement que je suis trop léger. Ma vitesse puis mes bras m'ont toujours aidé. Mais il va falloir que je prenne du poids, puis c'est clairement ce qui monte. On en a parlé hier dans le bulletin de sport local et régional. Entente entre Cassandra Bradette et Bilodeau Canada, qui est installée à Normandin. Et la patineuse de vitesse de sur courte-piste de Normandin est évidemment très fière de cette entente. Oui, c'est sûr. Moi, ça fait, dans le fond, j'ai jamais eu de commanditaire officiel. J'ai toujours eu des partenaires, dans le fond, qui m'ont aidé pendant ma carrière. Mais c'est vraiment le premier commanditaire que je vais pouvoir afficher sur ma combinaison de compétition. Puis pour moi, c'est une grande fierté du fait que ça, c'est une entreprise de la région. Je suis super fière d'arborer leurs couleurs, puis en plus de porter leurs vêtements de qualité, ça c'est... C'est une année olympique cette année, et Cassandra Bradette ne ressent pas plus de pression. C'est sûr que avoir des chances, ça va, mettons que je le sens un peu plus palpable, je pourrais le voir d'une manière différente, mais j'ai décidé de le voir quand même une journée à la fois, d'arriver à l'entraînement, de faire du mieux que je peux, puis de profiter de chaque moment pour que... Parlons de deck hockey maintenant à Saint-Prime. Il y avait des matchs hier, comme à tous les soirs. Les Warriors ont défait le Multicontinental 5-3, Wonder Woman 7, Mixpack 0, gain des Beavers 5-3 sur les Wings, Ferdex 5, Pêcheur 2, Hot 4 Beer 15 et Queen 0. Au soccer, deux matchs étaient au programme hier. Dans la catégorie 12 masculin, Berval a battu Saint-Prime 4 à 3. Senior féminin, division 3, gain de Chipcha 7 à 1 sur Saint-Prime. Et le tournoi de golf du bénéfice du club de golf de Dobbo-Mississigny aura lieu le 10 août prochain. On n'a pas réussi à trouver de président d'honneur. On s'est quand même pris assez tard, mais on va quand même tenir l'édition. Et en fin de semaine dernière, les athlètes du club du Mille du secteur de Dobbo ont très bien fait lors d'une compétition à Sherbrooke. Pierre-Luc Ménard, qui est en charge du club, estime que plusieurs athlètes ont battu des records personnels. Vraiment satisfait nos jeunes, ça développe vraiment bien. Puis en fin de semaine, tous nos jeunes qui ont participé à la compétition ont tous fait des meilleurs temps à vie. Donc c'est vraiment de bon augure pour le reste de la saison. OK. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Il y a plusieurs entrevues. D'abord, on a parlé avec André Bolduc. On sait que les Alouettes débutent leur saison ce soir contre les Rough Riders de Regina. On a parlé avec l'instructeur des porteurs de ballon, André Bolduc. Je m'y suis également entretenu hier avec Cassandra Bradette. On a aussi parlé avec Alexandre Gagnon. Et vous pouvez également écouter les chroniques des clubs de golf de Dobbo-Mississigny et le soccer à Dobbo-Mississigny avec Justine Girard. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.